minutes. Alors, bonsoir. Après cette courte page de publicité, je suis de retour avec Monsieur Castella qui nous parlait à juste titre de la plancification, non, de la rougification de son plan, excusez-moi. Mais contrairement à la plancification, nous avons évoqué le problème tout à l'heure. Vous faites bien de le préciser. Alors par contre, sources, voyez-vous, en tant que journaliste. Ouais, j'espère que vous faites bien votre métier comme je le fais bien le mien. Que votre technique importée de Belgique consiste à pisser sur vos raisins blancs. Pour les rougifier, aurait été financé par un certain réseau proxénète. Proche de Igor Malevich du Kremlin. Alors, pouvez-vous répondre à cela, monsieur? Oui, je réponds sans faux semblant et sans aucune contradiction. Sur le fait que je connais bien entendu cet Igor, qui est un ami de ma famille depuis plusieurs années. Hein, très bon ami à moi, qui n'a absolument rien à voir avec le réseau de proxénétisme dont les mes opposants à la communauté urbaine tentent de m'accuser, hein. Je n'ai absolument pas besoin et je ne vois pas en quoi je devrais m'appuyer sur un réseau de proxénétisme pour améliorer le procédé de rougification du vin résine. C'est des rumeurs, c'est des oui-dire, c'est de la politique nauséabonde qui n'a absolument pas lieu dans nos communes rurales girondines. En même temps, monsieur Castella, mes sources, c'est quand même assez sûr, et notamment monsieur Petronas, qui apparemment aurait fait un stage chez vous. Ouais, bon. En septembre 2003 et qu'il aurait découvert finalement beaucoup plus de femmes que de raisins. Il y a beaucoup de oui-dire, monsieur Petronas a effectivement fait un stage hein, du côté de la communauté urbaine de l'Ouïdire. C'est bon, on est le seul, hein, nombre de personnes l'ont fait. Effectivement, monsieur Petronas, d'origine moldave, et je l'ai appris par la suite, hein, et Dieu sait que si je ne l'avais sûrement jamais, je ne l'aurais accepté. Effectivement, les fréquentations qui peuvent laisser à désirer, comme on dit. Hein. Mais dans le cadre de son activité à la communauté des Innes, monsieur Petronas n'a jamais fait preuve de la moindre suspicion hein, d'un comportement problématique. Il a fait son travail de manière très professionnelle et je l'en remercie. Et maintenant, monsieur Petronas s'est retourné à ses activités en Bulgarie. Je crois que chercher des liens entre ces activités problématiques en Moldavie ou les activités problématiques de mon ami Igor en Ukraine et la commune de Sine, c'est vraiment chercher à me discréditer de manière basse ce que j'appelle le degré zéro de la politique et de mauvaise foi qui nie les réussites de ma municipalité. Hein. Et c'est en s'attaquant à mes amis, je sais qu'on vise, et qu'on vise ma famille, et c'est inacceptable. Et la politique a des règles, il faut les respecter. Écoutez, monsieur Castella, j'ai fait exprès de vous interroger là-dessus. Mais sachant pertinemment que la radio Castella est basée à Isine, est financé à 80% par la municipalité. Je vous en remercie. Bien sûr. Connaissant votre honnêteté, vous provoquez là-dessus. Finalement, on a été gâchés d'enfants. Je vous en remercie parce qu'au final, ça m'a donné l'opportunité.